Yeah, man. Big up Daddy Rudy. Yeah, take yes, I. Full of respect, Daddy Rudy. Yeah, yeah, yeah, man. La. Yeah, man. Dino, man. Yo. Bad problem in the PS, man. Oh. Yeah. En tout cas, pas sous un home, sin. Parce que yeah, tous ceux qui ont un home, c'est-à-dire un uniforme, une casquette, machin là. Yeah. Même. Les casques. Ils sont cachés derrière quelque chose. Envoyés même par un système qui est normalement là pour nous aider, nous soutenir, machin. Yeah. Est-ce qu'il est vraiment là pour nous soutenir? Pour nous écouter? Pour nous entendre dialoguer, sin? Ou simplement nous stopper et nous envoyer à plus bas que terre, sin? Alors, regarde. S'ils veulent nous contrôler, qui nous contrôle? S'ils veulent nous surveiller, qui nous contrôle? S'ils veulent nous regarder, qui nous contrôle? On va voir maintenant. Hey. On n'a rien à cacher, qu'est-ce qu'il y a? On est là. On est des humains. Plein de love à donner, sur la planète. Dans tout leur contrôle là, à un moment il y aura des gens qui vont se révolter parce qu'il y a des gens qui en auront marre. Y en a déjà marre. Même de notre société aujourd'hui on en a marre. Y en a marre. Avant notre société ils en avaient déjà marre du système. Ah, pour l'avenir, pour l'avenir. Alors enfin, yeah. C'est normal qu'on soit pessimiste, hein, mais il faut quand même garder de l'optimisme. Positif, man. Positif.